nostalgique. T'as des cubes. Retour en 90, sa mère. Tourne un disque vite, ton kick, le beat, sa mère. Sur des rimes, sur de lui, sur demain, sur hier. Surestime pas ton vécu, surestime d'être célibataire. Elle me demande, t'étais où tout ce temps? Car tu me manques, je suis pas ton mec, mais t'étais où tout ce temps? Elle est loin d'être douce, non, je lui ai dit d'aller doucement. Mais tout ce temps à fantasmer, à se demander, on couche quand, hein? T'es mon ordonnance, sans ordonnance, sans m'en donner une dépendance. J'ai dégraissé à tes côtés, à me moquer de ce que j'avais sans aucun sens. Je m'écoutais, j'étais plus un écrivain, j'écrivais juste des textes. Je l'écoutais, j'étais plus bien avec toi, à n'entendre parler que de sexe. J'ai fait des erreurs, que des peines, la souffrance m'a fait comprendre, faut que je tienne. Passé et saisi, moi je règne, le droit est roi, mais la liberté est reine. J'ai attendu que tu viennes, j'ai accepté avec toi, il fallait que je devienne. Parler d'une vie saine, je voulais être sur la scène, au bord de scène. J'ai pas vraiment les idées malsaines quand on sème ce que je sème. Bipolarité vous dit je vous aime car je vous en veux mais je vous aime. Ma bipolarité vous dit je vous aime car je vous en veux mais je vous aime. Ma bipolarité vous dit que je vous aime. Je vous aimerais, non. T'es mon ordonnance, sans ordonnance, sans m'en donner une dépendance. J'ai dégraissé à tes côtés, à me moquer de ce que j'avais sans aucun sens. Je m'écoutais, j'étais plus un écrivain, j'écrivais juste des textes. Je l'écoutais, j'étais plus bien avec toi, à n'entendre parler que de sexe. J'ai fait des erreurs, que des peines. La souffrance m'a fait comprendre, faut que je tienne. Passé et saisi, moi je règne. Le droit est roi, mais la liberté est reine. J'ai attendu que tu viennes, j'ai cru que c'était avec toi qu'il fallait que je devienne. On m'a parlé d'une vie saine, je voulais être sur la scène, au bord de scène. J'ai pas vraiment les idées malsaines quand on sème ce que je sème. Bipolarité vous dit, je vous aime car je vous en veux, mais je vous aime. Ma bipolarité vous dit je vous aime. Car je vous en veux mais je vous aime. Ma bipolarité vous dit que je vous aime.